De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 6. Des sens. 1 à 4. Les opérations des sens qui constituent, avec celles de la mémoire et de l'imagination, l'ensemble de la vie sensitive, étant d'un ordre plus élevé que la simple action vitale. Saint Augustin les étudie avec plus de soin et cherche à s'en faire une idée nette et précise. Il se demande d'abord en quoi la sensation consiste, et en essaie successivement plusieurs définitions, qu'il discute ensuite avec une rare subtilité. La sensation serait-elle la connaissance que l'âme acquiert d'une chose extérieure par le moyen du corps? À cette question, plus d'un contemporain répondrait peut-être affirmativement. Augustin se prononce pour la négative, et se fonde pour cela sur des raisons aussi solides qu'ingénieuses. « Quand je vois quelque part de la fumée, dit-il, je connais qu'il y a du feu. Cependant ce feu, je ne l'ai ni vu, ni entendu, ni senti, ni goûté, ni touché, en un mot, je n'en ai pas eu la sensation. » La connaissance d'une réalité extérieure est donc une chose, et la sensation une autre. Que le sujet ne saisisse pas directement l'objet, et qu'il ne devine son existence que par les réflexions que la sensation lui suggère, il y a connaissance sensible, mais non sensation. Que l'objet et le sujet soient en présence et que le premier se révèle directement au second par la manière dont il le modifie, il y a sensation et non pas seulement connaissance sensible. Il est facile de remarquer dans ces idées de saint Augustin le germe des distinctions si claires et si nettes de Bossuet. Nous pouvons donc définir la sensation. Si toutefois une chose si intelligible de soi a besoin d'être définie, nous la pouvons, dis-je, définir, la première perception qui se fait en notre âme à la présence des corps, que nous appelons objets, et ensuite de l'impression qu'ils font sur les organes de nos sens. En effet, la première chose que j'aperçois, en ouvrant les yeux, c'est la lumière et les couleurs. Si je n'aperçois rien, je dis que je suis dans les ténèbres. Je puis bien ensuite avoir diverses pensées sur la lumière, en rechercher la nature, en remarquer les réflexions et les réfractions. Mais toutes ces pensées ne me viennent qu'après cette perception sensible de la lumière que j'ai appelée sensation. Et c'est la première qui s'est faite en moi aussitôt que j'ai ouvert les yeux. Bossuet, connaissance de Dieu et de soi-même. Saint Augustin se demande ensuite s'il ne faudrait pas définir la sensation, la connaissance qu'a l'âme des modifications du corps. Mais quand le corps grandit ou qu'il vieillit, ce sont là certainement des modifications du corps. Or il est manifeste, d'un côté, que ces modifications échappent à tous nos sens, et, de l'autre, que l'âme les connaît. Voilà donc des connaissances de nos modifications corporelles qui ne sont pas des sensations. C'est en voyant grands aujourd'hui des corps que nous avons vus petits autrefois, en voyant vieux ceux que nous avions vus jeunes, que nous conjecturons que nos corps éprouvent, même au moment où nous parlons, de tels changements. Cette définition est donc vicieuse comme la précédente, elle a trop d'étendue et s'applique à d'autres phénomènes que les sensations. Pour la rectifier, il faut la restreindre de telle sorte qu'elle embrasse les sensations seulement, et qu'elle exclut toute connaissance de nos modifications corporelles, qui est due à un travail ultérieur de l'esprit opérant sur ces premières données. La définition suivante paraît remplir ces conditions, la sensation est la connaissance que l'âme a directement des modifications du corps. Si les définitions précédentes comprenaient trop de choses, Celle-ci n'en comprend peut-être pas assez, elle pêche peut-être, non pas contre la propriété, mais contre l'universalité nécessaire à toute bonne définition. La sensation embrasse toutes les connaissances que l'âme a directement des modifications du corps, admettons-le. Mais n'embrasse-t-elle rien de plus? Ne disons-nous pas tous les jours que les bêtes sentent, ne sommes-nous pas convaincus, d'un autre côté, qu'elles sont étrangères à la science, puisque la science repose sur la raison et que la raison est le privilège exclusif de l'homme? Or, si elles ne savent pas, comment peut-on dire qu'elles connaissent, et si elles ne connaissent pas, bien qu'elles sentent, comment peut-on définir la sensation une connaissance? Car c'est ce que l'on fait quand on la définit, la connaissance directe qu'a l'âme des modifications du corps. C'est que, pour être au-dessous de la science, la sensation n'en est pas moins une connaissance réelle. Sentir n'est pas savoir, mais c'est encore connaître, la connaissance est, en quelque sorte, un genre, dont la science et la sensation peuvent être considérées comme deux espèces différentes. Par conséquent, quand on dit que la sensation est la connaissance que l'âme a directement des modifications du corps, on ne s'exprime point d'une manière inexacte. De la qualité de l'âme chapitre 23 et suivant. Si le lecteur nous a suivis un peu attentivement dans le résumé que nous avons fait de cette discussion, il doit trouver, comme nous, qu'elle a été parfaitement conduite, et qu'Augustin y montre une rigueur et une exactitude toute moderne. Il est impossible de mieux se rendre compte des règles de la définition et de les appliquer plus heureusement à l'objet à définir. Sans doute, Platon, Aristote et beaucoup d'autres avaient fort bien distingué, avant Augustin, la sensation de la science, mais je ne sache pas qu'ils en eussent précisé la notion avec autant de justesse, et qu'ils l'eussent séparée aussi nettement des autres connaissances sensibles. Que cette définition laisse encore à désirer, et qu'il soit difficile, en l'acceptant, d'expliquer le passage du sujet à l'objet, je ne veux pas en disconvenir, mais on avouera que, pour la trouver, il a fallu pénétrer dans l'étude des phénomènes internes à une assez grande profondeur. La preuve que cette définition a, toute réserve faite, une valeur incontestable, c'est que des physiologistes modernes, dont le nom fait autorité dans la science, ne paraissent pas éloignés de l'admettre. Ne semble-t-elle pas être au fond des passages suivants de Müller? Nous ne pouvons avoir par l'effet de cause extérieure aucune manière de sentir que nous n'ayons également sans ces causes et par la sensation des états de nos nerfs. La sensation est la transmission à la conscience, non pas d'une qualité ou d'un état des corps extérieurs, mais d'une qualité, d'un état, d'un air sensoriel, déterminé par une cause extérieure, et ces qualités varient dans les différents nerfs sensoriels. Confère Monsieur Tissot, la vie dans l'homme. Ainsi, d'après ce physiologiste, nos organes seraient assez analogues à des thermomètres, ils nous indiqueraient, par leurs variations, les variations des corps extérieurs avec lesquels ils sont en rapport, ils nous seraient connus et en eux-mêmes, et en tant que signe. Augustin ne dit pas autre chose. La nature de la sensation une fois déterminée, il s'agit de savoir quelle en est l'origine. Est-ce le corps qui l'a produit par son action sur l'âme, sans que celle-ci sorte de sa passivité et de son inertie? Est-ce l'âme qui, par le déploiement de son activité propre et de son énergie interne, en est la seule et véritable cause? Pour résoudre cette question, Saint Augustin a recours, selon la coutume et suivant la tradition des philosophes idéalistes, à des principes abstraits. Le premier, c'est que l'âme est supérieure au corps, le second, c'est que ce qui est supérieur ne saurait être modifié par ce qui est inférieur. Ces prémices posées, il en tire aisément cette conclusion, que le corps ne saurait agir sur l'âme, ni par conséquent produire en elle le phénomène de la sensation. Prétendre que l'âme est soumise à l'action du corps, ce serait subordonner le plus parfait au moins parfait et se mettre en opposition avec les données les plus claires de la raison. Autant vaudrait dire que l'artiste, au lieu de façonner la matière sur laquelle il travaille, est lui-même façonné par elle. Ces idées, qui seront plus tard si chères à Malebranche, ont pour saint Augustin lui-même une telle importance que, plutôt que d'y renoncer, il renoncerait à toute explication rationnelle de la sensation. La théorie qu'il propose, en s'appuyant sur ses principes, est ingénieuse et profonde. L'âme n'anime le corps que par le déploiement continuel de son activité. Sans être rien modifié par lui, elle agit en lui et sur lui comme sur un être soumis à son empire. Mais son action est plus facile ou plus difficile, suivant qu'elle rencontre dans le corps une matière plus ou moins souple et obéissante. Quand les corps extérieurs sont mis en rapport avec nous, ce n'est pas sur notre âme qu'ils agissent, c'est sur notre corps. Seulement, selon qu'ils sont conformes ou contraires à la nature et aux besoins de ce dernier, ils facilitent l'activité de l'âme ou y mettent obstacle. Or la connaissance de cette facilité et de cette difficulté d'agir s'appelle plaisir et peine, ou, d'un seul mot, sensation. Quand l'âme entraîne un corps étranger dans sa sphère d'activité et cherche à l'assimiler au sien propre, comme il y a d'ordinaire convenance entre ce corps et le sien, le mouvement de l'âme en devient plus facile, et le sentiment qu'elle en a est du plaisir. Que l'âme soit, au contraire, privée des aliments nécessaires à la réparation du corps, elle remplit ses fonctions d'une manière pénible, languissante, et la connaissance qu'elle a de ce malaise se nomme faim ou soif. Si un homme boit ou mange avec excès, un phénomène différent, mais analogue, se produit en lui. Le fardeau dont il est comme surchargé, engendre pour son âme une certaine difficulté d'agir, elle fait effort, elle peine et en a parfaitement conscience, il y a indigestion. Assez remarquable considération, que l'animisme contemporain ne désavouerait pas, si ce n'est peut-être en ce qui concerne l'impossibilité où serait le corps d'agir sur l'âme. Augustin ajoute des vues plus contestables qu'il emprunte à la physiologie de son époque, mais où se mêlent encore des idées frappantes de vérité et de hardiesse. En temps ordinaire, dit-il, l'âme anime un élément lumineux dans l'œil, un élément aérien dans l'oreille, un élément vaporeux dans les marines, un élément humide dans le palais, un élément terrestre et comme boueux dans l'organe du toucher, émeut tous ces éléments d'un mouvement paisible. Mais, si des objets extérieurs affectent le corps et produisent dans l'homme le sentiment de quelque chose d'étranger, l'âme déploie une action plus vive sur tous les points de son corps et par tous ses organes, c'est ce qu'on nomme voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Quand Augustin parle de ce sentiment de quelque chose d'étranger que les objets extérieurs nous procurent en agissant sur nos organes, ne s'exprime-t-il pas avec une précision analogue à celle des modernes, qui disent que le moi se pose et pose le non-moi en subissant l'action de ce dernier, et en réagissant contre elle, il place, comme eux, l'origine de la notion d'extériorité dans le double sentiment d'une force qui se déploie et de la résistance qu'elle éprouve. Ses vues sur l'origine de la sensation sont bien supérieures à celles des philosophes qui en font un phénomène purement passif, et qui la dérivent de l'action des agents extérieurs sur un corps qui est inerte, et sur un esprit qui ne l'est pas moins. Augustin ne comprend point ainsi ce phénomène. Il croit, et avec raison, que les corps étrangers agiraient en vain sur nos organes, et ceci sur notre âme, si elle n'était pas un principe actif, vivant, capable d'être stimulé par une action extérieure et de réagir contre cette action. C'est ce qui lui fait dire que la véritable cause de la sensation, ce n'est ni l'objet extérieur ni notre propre corps, mais notre âme elle-même. Lorsque le son modifie l'oreille, dit-il, ce qu'il y a de semblable à l'air dans cet organe est ébranlé par l'air extérieur, et l'âme qui, avant ce son, animait en silence du mouvement vital l'organe de l'ouïe, ne cesse pas pour cela de l'animer. Seulement ce qu'elle anime ayant été modifié, l'action de l'âme se trouve modifiée aussi, cependant elle est toujours une action véritable, et le nom de passion ne saurait lui convenir en aucune sorte. Il en est de même des autres sensations. Les formes frappent la lumière qui est dans nos yeux, les exhalaisons des objets se glissent dans nos narines, les saveurs, dans notre palais, les corps solides modifient le reste de notre corps, ou bien, dans l'intérieur de notre corps lui-même, quelque chose passe d'un point à un autre. Alors, que fait l'âme? Elle applique son attention aux modifications du corps déjà existantes, et suivant la facilité ou la difficulté qu'elle éprouve à le faire, elle sent agréablement ou désagréablement. Ainsi, la sensation agréable ou désagréable qu'elle éprouve ne lui vient ni d'un corps ni d'aucune substance étrangère, mais de ses propres opérations, c'est-à-dire, d'elle-même. Traité de la musique, livre 6 chapitre 5. Sentir est donc une modification active, c'est mouvoir le corps en opposition avec le mouvement qui s'y est produit, en un mot, c'est réagir. Si nous ne sentons point quand nos ongles, nos cheveux, nos os sont coupés, ce n'est pas que ces parties de notre corps soient privées de vie, comment le seraient-elles puisqu'elles se nourrissent et croissent, mais c'est qu'elles ne sont pas assez pénétrées par un air libre, par un élément mobile pour que l'âme puisse y produire un mouvement aussi rapide que celui contre lequel elle réagit dans le phénomène de la sensation. Traité de la musique, livre 6 chapitre 5. Ces idées sur l'origine de la sensation ont été empruntées par saint Augustin à Plotin, l'un de ses maîtres préférés. Le philosophe d'Alexandrie ne les avait point présentés avec cette ampleur lumineuse qui caractérise l'évêque d'Hippone, mais il les avait gravés en quelques traits précis et énergiques. C'est le propre de la puissance, dit-il, non d'éprouver, de pâtir, mais de déployer sa force, de remplir la fonction à laquelle elle est destinée. En ne voulant pas croire que chaque faculté puisse connaître son objet sans en recevoir une impulsion, nous la ferions pâtir, nous ne lui ferions pas connaître l'objet placé devant elle, car c'est elle qui doit dominer l'objet au lieu d'être dominée par lui. Énéade 4e. C'est le corps, dit-il ailleurs, qui éprouve la passion. C'est la puissance sensitive de l'âme qui perçoit la passion par ses relations avec les organes, c'est à elle que viennent aboutir toutes les sensations. Énéade 4e. L'âme, ajoute-t-il, sent la brûlure parce que la puissance sensitive, par ses relations avec les organes, en reçoit en quelque sorte le contre-coup, ibidem. Des écrits de saint Augustin, cette théorie se répandit sans peine dans ceux de ses disciples. La phrase suivante d'Arnaud ne résume-t-elle pas toutes les considérations qui précèdent, et n'a-t-elle pas un caractère augustinien bien marqué ? Il est faux de dire que toutes nos idées viennent de nos sens, mais on peut dire, au contraire, que nulle idée qui est dans notre esprit ne tire son origine des sens, sinon par occasion, en ce que les mouvements qui se font dans notre cerveau, qui est tout ce que peuvent faire nos sens, donnent occasion à l'âme de se former diverses idées qu'elle ne se formerait pas sans cela. Confère Arnaud, Logique de Port-Royal. Toute la différence entre l'auteur du 5e siècle et celui du 17e, c'est que l'un fait sentir l'âme dans tout le corps, et en fait le principe de la vie comme de la pensée, tandis que l'autre la fait sentir uniquement dans le cerveau et lui refuse toute action vitale. Du reste, Arnaud ne dissimule point les emprunts qu'il fait à saint Augustin, il le cite, au contraire, et se prévaut de son autorité. La douleur du corps, dit-il, n'est autre chose qu'un sentiment d'aversion que l'âme conçoit de quelque mouvement contraire à la constitution naturelle de son corps. C'est ce qui a été reconnu, non seulement par quelques anciens philosophes, comme les Cyrénaïques, mais aussi par saint Augustin en divers endroits. Il dit au livre 7 de la Genèse à la lettre, chapitre 19, la répugnance que ressent l'âme de voir que l'action par laquelle elle gouverne le corps est empêchée par le trouble qui arrive dans son tempérament et ce qui s'appelle douleur. Confère Arnaud, Logique de Port-Royal. Cette doctrine a peut-être exercé sur les développements de la philosophie moderne plus d'influence qu'on ne le croit communément. Quand on admet que le corps ne peut pas agir sur l'âme, que reste-t-il à faire sinon d'admettre la réciproque pour aboutir aux théories fameuses des causes occasionnelles et de l'harmonie préétablie ? Malebranche dit quelque part, nous considérons comme nos biens des choses au-dessus desquelles nous sommes infiniment élevés, qui ne peuvent au plus agir que sur nos corps et produire quelques mouvements dans leurs fibres, mais qui ne peuvent jamais agir sur nos âmes, ni nous faire sentir du plaisir ou de la douleur. Les monades n'ont point de fenêtres, dit à son tour Leibniz, par lesquels quelque chose y puisse entrer ou sortir, ni substance, ni accident ne peut entrer de dehors dans une monade. Leibniz, Monadologie, 7. Saint Augustin ne se contente pas de déterminer l'origine de la sensation, et d'assigner à ce phénomène sa véritable cause. Il insiste sur la manière dont il se forme et sur les conditions, soit physiologiques, soit psychologiques, qui sont nécessaires à sa production. Bien que l'âme joue dans la sensation le rôle principal, le corps y joue aussi un rôle qui a bien son importance. Sans l'âme, il n'y aurait pas de sensation, puisqu'il n'appartient qu'à un être vivant de sentir, et que c'est de l'âme que le corps tient la vie, mais, sans le corps, il n'y en aurait pas davantage, puisque sans les instruments, sans les organes corporels, nous ne pourrions voir, ni entendre, ni sentir en aucune sorte. Lettre 137 chapitre 2. Ici, Augustin expose des vues qui ne lui appartiennent sans doute pas en propre, mais que nous croyons devoir reproduire pour faire connaître la manière dont on comprenait à cette époque les rapports du physique et du moral et ce qui s'en est transmis aux âges suivants. Les médecins regardent comme une chose démontrée que les corps des animaux contiennent, outre les éléments solides qui frappent nos regards, des particules aériennes qui sont renfermées dans les poumons, comme dans des réservoirs, et qui, passant du cœur dans les artères, y coulent, comme par autant de canaux, à travers toute la machine. Ils croient aussi qu'il y a dans ces corps une matière ignée, dont les parties les plus chaudes ont leur siège dans le foie, tandis que les plus lumineuses, après s'être subtilisées autant que possible, s'élèvent vers le cerveau, qui est au corps ce que le ciel est au monde. Pour agir sur la chair, qui est une nature à la fois terrestre et aqueuse, l'âme se sert de l'air et du feu avec lesquels elle a plus d'affinité. Sans ces deux éléments, toute sensation et tout mouvement spontané serait impossible. C'est, on le voit, la théorie des esprits animaux, qui doit un jour tenir tant de place dans la philosophie cartésienne. D'autres conditions organiques sont encore nécessaires pour que la sensation ait lieu. Du cerveau part de légers tuyaux qui aboutissent aux yeux, aux oreilles, aux narines, au palais, et, par la moelle épinière, à toutes les parties du corps, et sans lesquelles nulle sensation ne saurait se produire. Les nerfs de la sensation sont distincts de ceux du mouvement, les premiers naissent de la partie antérieure du cerveau, les seconds, de la partie postérieure. Entre ces deux parties du cerveau, il y en a une troisième qui sert de siège à la mémoire, et qui unit l'organe par lequel l'âme connaît à celui par lequel elle exécute. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 13, 15, 17 et 18. Les médecins ont donné à ces trois organes le nom de ventricules du cerveau, et prétendent que, suivant que chacun d'eux est sain ou malade, les fonctions auxquelles ils président s'accomplissent bien ou mal. Note que saint Augustin ait tiré de son propre fond ses dernières idées, ou qu'il les ait empruntées à un autre, je me permets de les signaler à l'attention d'un éminent philosophe et physiologiste de notre époque, qui déclare que c'est dans Willis qu'il rencontre pour la première fois l'affectation de l'encéphale aux facultés actives de l'homme, et qui croit pouvoir lui attribuer l'honneur de cette vue nouvelle. Il faut, comme on voit, en chercher l'auteur beaucoup plus haut. Voyez la phrénologie, par Monsieur Lélu, membre de l'Institut, deuxième édition page 28. Fin de la note. La sensation résulte donc du concours de l'âme et du corps ainsi organisé avec les objets matériels. Toutes les fois que je vois un objet, je puis distinguer dans ce simple fait trois éléments qu'il importe de ne pas confondre. Premièrement, la chose que je vois, une pierre, une flamme, un objet quelconque, qui pouvait déjà exister avant que d'être vu. Deuxièmement, la vision elle-même, qui n'était pas encore au moment où l'objet s'est offert à mes yeux. Troisièmement, l'attention de l'esprit qui fixe sur l'objet le sens de la vue. Non seulement ces trois choses sont parfaitement distinctes, mais encore elles sont de nature différente, l'objet est corporel, la vision est mixte, l'attention est purement spirituelle. De la Trinité, livre 11 chapitre 2. Dans son traité de la musique, Augustin insiste sur cette distinction, et établit admirablement la différence qu'il y a entre la faculté de sentir et l'objet sensible qui la stimule et la met en éveil. Une série de sons, dit-il, comme ceux d'une eau qui tombe goutte à goutte, peut se produire dans un lieu solitaire et n'être entendu de personne. Cependant, ces sons, qui ne frappent présentement aucune oreille humaine, existent à l'état de phénomènes objectifs, et leur réalité n'est nullement contestable, voilà des objets sensibles. D'un autre côté, un homme peut se trouver dans un endroit tout à fait silencieux, et ne pas entendre le bruit le plus léger. Néanmoins, cet homme, qui n'entend rien en ce moment, et sur lequel les objets sensibles ne produisent aucune impression, diffère profondément d'un sourd, sans entendre actuellement, il a la faculté d'entendre. Que l'objet sensible et la faculté soient mis en rapport, il se produit dans le corps une modification que l'âme saisit. Cet acte par lequel l'âme saisit la modification corporelle, est la sensation de l'audition, qui prend aussi le nom de son, et est purement subjective. Qui oserait dire que les sons engendrent en moi la faculté de les entendre? Il est trop clair qu'ils n'engendrent pas cette faculté, mais qu'ils la supposent. Je n'aurais pas entendu ces sons s'ils n'avaient pas existé extérieurement, mais je ne les aurais pas entendus non plus, si je n'avais pas eu la faculté de les entendre. Augustin, comme on en peut juger, ne méconnaît point la part de l'objet dans le phénomène de la sensation, mais il ne méconnaît pas davantage celle du sujet. Il n'est pas ce qu'on nomme aujourd'hui idéaliste, puisqu'il admet que l'âme sent et qu'elle sent par suite de l'action de l'objet sensible, il n'est pas ce qu'on appelle sensualiste, car il reconnaît dans l'âme certaines prédispositions ou virtualités qui s'actualisaient se déterminent en présence des objets, mais que ceux-ci ne produisent pas. Traité de la musique, livre 6 chapitre 2 à 4. Augustin couronne cette analyse si nette et si exacte par une hypothèse qu'il avait probablement prise dans Plotin, mais dont l'origine péripatéticienne n'est pas douteuse. L'objet visible, dit-il, ne produit pas le sens de la vue, mais il informe et y trace une image de lui-même. Seulement, la forme que l'objet imprime au sens est si étroitement unie à celle de l'objet, qu'il nous est impossible de l'en distinguer. Si donc nous la regardons comme réelle, ce n'est pas d'après le témoignage de nos sens, mais sur la foi du raisonnement. Quand un anneau est encore imprimé sur la cire, qui oserait dire qu'il n'y grave pas une empreinte? Cependant, on ne la voit pas encore et les sens ne la peuvent saisir. Si on imprime un anneau sur un liquide, qui osera prétendre qu'une forme semblable à celle de cet anneau, sans être pourtant la forme de cet anneau lui-même, n'est pas empreinte sur ce liquide? Cependant, personne ne la voit, ni ne l'a vue, ni ne la verra jamais, car elle sera effacée au moment où l'on retirera l'anneau. De même de ce que l'image de l'objet ne paraît plus dans l'organe de la vue une fois que l'objet a disparu, il ne s'ensuit pas qu'elle n'y ait pas été au moment où l'objet agissait sur l'organe. À l'appui de cette théorie, Augustin cite des faits que Bossuet a reproduits après lui. Dans le premier chapitre de son traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Quand un homme a, pendant quelques instants, considéré une lumière éclatante et qu'il vient ensuite à fermer les yeux, il voit encore devant lui de brillantes couleurs, qui diminuent insensiblement et qui finissent par s'effacer tout à fait. Qu'est-ce que ces couleurs ? Sinon les derniers vestiges de l'image qui s'était formée dans notre œil à la vue de l'objet, et qui s'est ensuite dégradée peu à peu. C'est au point que, si nous jetons les yeux sur une fenêtre au moment où nous nous avons encore ces couleurs dans les yeux, elle nous paraîtra toute brillante, preuve manifeste que l'image de l'objet s'était empreinte dans nos sens au moment de la vision, mais qu'elle était trop intimement unie à l'objet pour pouvoir en être distinguée facilement. Quand je regarde un simple flambeau, et qu'au moyen d'une pression légère j'imprime à mes rayons visuels une petite déviation, je vois deux flambeaux au lieu d'un. Pourquoi cela ? Sinon parce que mes rayons visuels ne se dirigent en point parallèlement vers le même objet et de manière à se fondre en un seul et même regard, ils sont affectés chacun de leur côté, si bien qu'il en résulte une double image, quoique l'objet aperçu soit unique. De la Trinité, livre 11 chapitre 2. C'est ainsi que saint Augustin explique la nature, l'origine et la formation de la sensation, mais il ne s'en tient pas là, il réfute encore les philosophes qui ont professé sur ce sujet des doctrines incompatibles avec les siennes, et en particulier Démocrite et Épicure. Il emprunte à Cicéron l'exposition de leurs idées, mais il tire de son propre fond les arguments dont il se sert pour les combattre. Suivant Démocrite et Épicure, tous les corps émettent des images qui leur ressemblent parfaitement, et qui sont composées d'atomes d'une ténuité extrême. Ces images, s'insinuant dans les âmes des hommes, présentent exactement les objets dont elles sont sorties, et c'est là ce qu'on appelle des idées. Pour réfuter cette théorie, Augustin se demande si ces philosophes ne conçoivent pas un grand nombre d'objets, tels que la sagesse et la vérité, d'une manière purement incorporelle et intelligible. S'ils ne conçoivent pas la vérité, comment en disputent-ils ? S'ils la conçoivent, quelle image en ont-ils dans l'esprit et de quel corps leur est-elle venue ? De plus, l'idée étant une image, on ne peut avoir l'idée d'un objet tout entier qu'à la condition d'avoir son image tout entière dans l'âme. Or comment les images immenses des grands corps qui nous environnent, peuvent-elles s'introduire dans un corps si petit que le nôtre et dans une âme plus petite encore ? Comment peuvent-elles la toucher par tous leurs points et se superposer à elle avec la dernière exactitude ? Quand il y a entre ces images et l'âme une si prodigieuse disproportion. Enfin, avons-nous, oui ou non, l'idée d'un atome ? Répondre affirmativement, c'est nier les atomes qui constituent, avec le vide, l'ensemble de l'univers, tel que Démocrite et Épicure l'ont conçu, car pour que nous ayons l'idée des atomes, il faut qu'ils émettent des images, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être ce qu'ils sont par définition, des molécules indivisibles. Répondre négativement, c'est les nier encore, car on ne saurait admettre ce dont on n'a aucune idée. Pour sauver leur système, ces deux philosophes devraient donc reconnaître que nous pouvons penser, ne serait-ce qu'aux atomes, sans avoir d'image. Entre leur théorie psychologique et leur théorie cosmologique, il faut choisir, car elles sont incompatibles. Lettre 118 chapitre 4. Pierre Bell, qui n'est pas facile à contenter en matière de raisonnement, surtout quand ses raisonnements sont d'un père de l'Église, Bell trouve cette réfutation pleine de solidité. Voir l'article Démocrite dans le dictionnaire de Bell. Cependant, s'il était démontré que la théorie des images n'avait pas pour but, dans la pensée de Démocrite et d'Épicure, d'expliquer toute la connaissance, ni même toute la connaissance sensible, mais seulement la connaissance que l'on acquiert par le sens de la vue, ne s'ensuivrait-il pas que les arguments de saint Augustin, excellents pour réfuter ces théories telles qu'il la conçoit, perdent beaucoup de leur valeur contre cette théorie telle qu'elle était réellement? Le premier et le troisième de ces arguments n'auraient plus aucun poids, Le second seul resterait péremptoire. Or, si l'on consulte Lucrèce, de la nature des choses, ce fidèle interprète d'Épicure, et Épicure lui-même, lettre à Héros, on verra que ces philosophes expliquent par la théorie des images les perceptions de la vue et les imaginations qui en dépendent, mais nullement les idées qui dérivent des autres sens. D'un autre côté, si on cherche dans Sextus Empiricus, contre les mathématiciens, la véritable pensée de Démocrite sur ce sujet, on y trouvera qu'il y a, suivant lui, deux espèces de connaissances, l'une illégitime et obscure, l'autre légitime et claire, et que la première a sa source dans l'essence. Qu'est-ce à dire, sinon qu'au-dessus des sens, qui nous fournissent une partie de nos idées, il y a une faculté qui nous fournit les autres, et par laquelle nous atteignons des objets que les sens ne nous feraient jamais connaître, des objets plus subtils, comme il le dit formellement, qui échappent à la vue, à l'ouïe, au toucher, au goût, à l'odorat, et que, par conséquent, aucune image ne saurait représenter. Markem Dan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.